dehors à regarder étrange cette symphonie colore qui me dérange. Les gens sont pareils et moi immobile. Je vois cette terre arc-en-ciel qui défile. Le temps que je fonde, encore une étape, et je vis dans le monde. Je fais le point des comètes, tourne dans ma tête, je change toute cette planète contre une allumette. Je fais le point sur le temps, passer les sillons, je vous prépare un typhon. Que j'éclate et le temps que je fonde, encore une étape et je vis dans le monde.